Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus, téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. J'ai voulu raconter d'autres vies que la mienne. Celle de gens pris dans la vague du tsunami de 2004. Celle de gens qui ont longtemps et très tôt cohabité avec le cancer. Celle de gens qui courent après les crédits sans savoir comment les rembourser. Celle de gens qui savent s'aimer. De gens qui, sans le savoir, parfois sans même connaître, ont guidé et éclairé dans le difficile métier de vivre. D'autres vies que la mienne, d'Emmanuel Carrère. Adaptation de François Cuel. 10e et dernier épisode. Le mercredi 9 juin, on a loué au Vidéoclub de Vienne le film d'Agnès Jaoui, comme une image. Après avoir couché les filles, on l'a regardé ensemble sur le canapé du salon. Juliette avait son masque d'assistance respiratoire, mais elle ne se sentait pas trop mal. Elle s'est endormie avant la fin, sur mon épaule, comme presque toujours désormais, quand il regardait un film ou qu'il lui faisait la lecture à voix haute. Je suis resté sans bouger, craignant de la réveiller. Je l'ai portée dans la chambre, couchée dans le lit, puis je me suis endormi en lui tenant la main. À 4h du matin, elle a été prise d'une toux soudaine, incoercible. Elle ne pouvait plus respirer. L'oxygène à haut débit ne la soulageait pas. On aurait dit qu'elle se noyait. À l'hôpital, en salle de réanimation, le taux de saturation de Juliette est redevenu normal. Mais pourtant, elle continuait à étouffer. On lui a donné de la morphine, qui l'a un peu soulagée. On a drainé en vain 2 litres du liquide qui encombrait la plèvre de son poumon droit. Ainsi s'est écoulé le jeudi. Le vendredi matin, le chef du service d'oncologie est entré dans sa chambre et nous a annoncé qu'on ne pouvait plus rien, que le corps était arrivé au bout de ses défenses et qu'elle allait mourir dans les jours, peut-être les heures qui venaient. Juliette a répondu qu'elle était prête. Elle a fait appeler ses parents, son frère et ses sœurs. S'ils arrivaient dans l'après-midi ou en fin de journée, elle pourrait leur faire ses adieux. Quant aux filles, Juliette ne voulait pas compromettre la participation des aînés au spectacle de l'école. Et elle a demandé au médecin s'il pouvait faire en sorte qu'elle soit, dans 24 heures, en état de les voir. Il a assuré que oui, on doserait la morphine de telle sorte qu'elle ne soit ni trop dévastée par la souffrance, ni trop abrutie par la sédation. Ces questions réglées, elle a réuni dans sa chambre toute l'équipe médicale, qui depuis février la soignait, et remercié ses membres, un par un. Ensuite, elle m'a envoyé à la maison pour m'occuper des petites et leur parler. Pendant mon absence, elle verrait Étienne. J'étais son aîné en matière de droit. Je l'étais aussi en matière de cancer. On était sur le même chemin, et il était clair pour tous les deux que je l'y précédais. Mais ce vendredi après-midi, c'est elle qui est devenue l'aînée. Étienne, tu fais partie des quelques personnes qui ont donné un sens à ma vie, grâce à qui je l'ai vraiment vécu. Je pense que malgré la maladie, ça a été une bonne vie. Je la regarde, j'en suis contente. Moi qui parle toujours, je n'ai pas su quoi répondre. Elle était arrivée à un endroit où je ne pouvais plus la suivre. Alors j'ai dit, la lettre, tu l'as écrite? C'est une chose dont nous avions beaucoup parlé, cette lettre qu'elle voulait laisser à ses filles. Elle avait fait et jeté des brouillons. Chaque fois qu'elle s'y mettait, elle était submergée parce qu'il y avait trop à dire. Ou alors presque rien. Je vous aime, je vous ai aimé. Soyez heureuse. Non. Je ne l'ai pas écrite. Tu veux qu'on l'écrive là, tout de suite? Pour commencer, qu'est-ce que tu dirais à tes filles de Patrice? Il était mon socle. Il me portait. Il est le père que je vous ai choisi. Vous aussi, dans la vie, choisissez. Vous pouvez tout lui demander. Il vous donnera tout ce que vous lui demanderez tant que vous serez petite. Et quand vous serez grande, vous choisirez. Elle a réfléchi. Puis dit, c'est tout. Je n'ai rien noté. Avant de sortir de la chambre, je me suis assis au bord de son lit et je lui ai pris la main. Je l'ai gardée quelques instants dans la mienne. Je lui avais serré la main quand elle était entrée dans mon bureau 6 ans plus tôt, mais ensuite, et jusqu'à ce vendredi après-midi, nous ne nous étions plus jamais touchés. Je suis rentré chez moi, j'ai écrit la lettre en 2 minutes, c'était fait. Je l'ai donnée à sa sœur Cécile, qui la lui a lue, et m'a dit qu'elle avait hoché la tête pour dire que ça allait. Ce que les filles voulaient savoir, c'est si elle serait là pour la fête de l'école. J'ai répondu que non, elle n'y serait pas. Et elles ont protesté. Elle leur avait promis. Alors j'ai dit qu'elle ne rentrerait pas, qu'on irait tous ensemble la voir à l'hôpital demain, après la fête. Et que ce serait la dernière fois, parce qu'elle allait mourir. Amélie et Clara ont pleuré, crié. Puis elles ont fait les folles jusqu'au coucher. Je suis reparti pour l'hôpital très tôt le lendemain matin, de manière à être de retour pour le début du spectacle. L'état de Juliette s'était aggravé pendant la nuit. Elle était très agitée. Son regard fuyait vers l'arrière. Tout ce qui lui restait de force passait dans l'acte de respirer. Rauque, douloureux, secouant tout le corps. Elle a grippé mon bras et dit plusieurs fois d'une voix mauvaise, assez fort, en se balançant d'avant en arrière. Allez, maintenant c'est fini. Allez, maintenant c'est fini. Je lui ai dit que les petites allaient venir la voir après la fête. Mais elle ne semblait pas le comprendre et répétait « Allez, maintenant c'est fini ». Quand je suis revenu avec les filles, Juliette a eu 1 ou 2 hochements de tête qui pouvaient passer pour un acquiescement. Je n'ai pas eu le cœur de brancher comme prévu le caméscope sur le téléviseur de la chambre pour lui montrer la cassette de la fête. Clara a embrassé sa mère. J'ai placé le visage de Diane contre sa joue. Mais Amélie était si effrayée qu'elle n'a pas voulu quitter les bras de sa tante. À ce point du récit de Patrice, Amélie est entrée dans le salon en pyjama, pieds nus. Elle était couchée depuis longtemps, mais elle avait dû se réveiller et, par la porte entrouverte de sa chambre, écouter ce que nous disions. C'est encore plus dur pour moi que pour Clara et Diane que maman soit morte. Moi, je ne lui ai pas dit au revoir. J'ai eu peur. Tu ne l'as pas embrassée, mais tu lui as dit au revoir. C'est ça qui est important, c'est que tu aies été là, que maman t'ait vue. J'ai compris à son ton qu'il n'en parlait pas pour la première fois et, pendant qu'il allait la recoucher, trouvait bien qu'Amélie puisse formuler ce reproche qu'elle se faisait. Une fois exprimée, cette culpabilité risquait moins par la suite d'empoisonner sa vie sans qu'elle en connaisse même l'origine. Les visites terminées, Patrice est resté seul avec Juliette. Elle n'était plus aussi agitée, mais pas sereine non plus comme il l'avait espéré. Assis à son côté, sur le lit, il essayait de communiquer avec elle, de deviner ses désirs. Il lui a donné à boire, elle est parvenue à déglutir. À un moment, sa cage thoracique s'est remise à se soulever spasmodiquement. Il a senti son corps se crisper, et penser que l'heure était venue. Mais non, elle ne mourait pas, elle souffrait. Je lui ai demandé, « Tu as peur ?» Elle a fait oui de la tête, distinctement. « Attends, je vais t'aider. Je reviens. Surtout ne t'inquiète pas, je reviens. » Je suis allé dans le bureau du médecin pour lui dire que maintenant il fallait l'aider à partir. Il m'a dit d'accord. Attendez-moi ici. Il l'a laissée seule dans le bureau, où il a passé 5 minutes qui lui ont paru éternelles. Il fixait avec une attention hébétée la peinture écaillée d'une plinthe, le tube de néon au plafond, autour duquel un moucheron voletait, et il avait l'impression que toute la réalité du monde, c'était cela, qu'il n'existait rien d'autre, qu'il n'avait jamais existé et n'existerait plus jamais rien d'autre. Quand je suis retourné dans la chambre, les yeux de Juliette étaient fermés. Après coup, j'ai eu très peur qu'elle ait plongé dans le coma pendant mon absence. Que sa dernière pensée, avant que tout s'éteigne, ait été « Je meurs et Patrice n'est pas là ». Je me suis de nouveau allongé près d'elle, mais cette fois plus confortablement. Presque comme si nous étions dans notre lit, à la maison. Je me suis mis à lui parler à l'oreille, très bas. Et en parlant, a touché doucement sa main, son visage, sa poitrine. De temps en temps, à l'embrasser, du bout des lèvres. Je lui ai raconté notre vie et le bonheur qu'elle m'avait donné. Je lui ai dit combien j'avais aimé rire avec elle. Parler de tout et n'importe quoi avec elle. Et même se disputer avec elle. Je lui ai promis que j'allais continuer sans faiblir, bien s'occuper des petites. Il ne fallait pas qu'elles s'inquiètent. Je penserai à mettre leurs écharpes. Elles ne prendraient pas froid. Je lui ai chanté des chansons qu'elle aimait. Décrit l'instant de la mort comme un grand flash, une vague de paix dont on n'a pas idée. Un retour bien heureux. À l'énergie commune. Un jour, je la rejoindrai. Vers minuit, tout de même, je me suis dit que ce n'était pas possible. Pas possible qu'elle soit encore demain dans cet état. J'ai décidé qu'à 4 heures du matin, je débrancherai l'appareil respiratoire. Mais à 1 heure, je n'en pouvais plus d'attendre. J'ai pensé que c'était elle qui me communiquait cette impatience. Et je suis allé voir l'infirmière de garde pour lui demander si on ne pouvait pas la débrancher. Parce qu'à mon avis, c'était le moment. Elle a dit que non, cela risquait d'être brutal. Mieux valait laisser faire. Plus tard, je me suis endormi. Un hélicoptère m'a réveillé un peu avant 3 heures. À 4h15, la respiration de Juliette, qui n'était plus qu'un filet d'air, s'est arrêtée. Je suis resté un moment aux aguets, mais il n'y avait plus rien. Son cœur ne battait plus. Je me suis dit qu'elle avait deviné ce que je comptais faire à 4 heures et qu'elle me l'avait épargné. Je la regardais. Je trouvais son visage serein et beau, pas comme les derniers jours. Je pensais... C'est ma femme. Et elle est morte. Ma femme est morte. J'ai senti contre moi sa chaleur s'en aller. J'ai été étonné que ça se passe si vite. Au bout d'un quart d'heure, elle était froide. Je me suis levé. J'ai prévenu les infirmières. J'ai appelé Cécile qui veillait à la maison. Puis je suis sorti marcher autour de l'hôpital. On voyait un bout de ciel devenir plus clair à l'est. Des nuages roses. Au-dessus de la ville, c'était magnifique. J'étais soulagé que ce soit fini, mais surtout, à ce moment, j'avais une immense affection pour elle. Je ne sais pas comment dire. Cela paraît faible comme mot, affection. Mais c'était plus fort et plus grand que l'amour. Quelques heures plus tard, au funérarium, je ne ressentais déjà plus ça. L'amour, oui, mais cette espèce d'affection immense, c'était fini. J'ai pensé au début que je n'arriverais jamais à dormir sans elle. J'ai l'impression de la sentir contre moi. Mon corps était tellement habitué au sien. Et puis je me réveille. Elle n'est pas là. Et je suis perdu. Complètement perdu. Mais petit à petit, je m'habitue à cette sensation. Je sais qu'avec le temps, elle sera de moins en moins là. Qu'il s'écoulera un jour, un quart d'heure sans que je pense à elle. Et puis une heure. J'essaie d'expliquer ça aux petites. Quand je leur dis qu'on a eu de la chance d'être avec elle. Et de l'avoir aimée. Et qu'elle nous ait aimés. Je pense que ça va aller. Et toi ? Patrice s'était tourné vers Étienne, que la question a pris au dépourvu. Quoi, moi ? C'est comment pour toi la vie sans Juliette ? J'ai été stupéfait, puis bouleversé d'être ainsi placé devant le deuil, et par le veuf, sur un pied de quasi-égalité. Au fond de moi-même, je trouvais cette place justifiée, ou plutôt, je trouvais justifié d'avoir une place. Mais il fallait l'incroyable générosité de Patrice pour me la reconnaître comme allant de soi. Pour moi, oh, c'est très simple. Ce qui me manque, c'est de ne plus pouvoir lui parler. C'est très égoïste. Comme d'habitude, je ne pense qu'à moi là-dedans. Et ce que je me dis, c'est que jusqu'à ma mort, il y a des choses que je ne dirai plus à personne. C'est fini. La personne à qui je pouvais les dire sans que ce soit triste n'est plus là. Un soir, tu te rappelles, nous sommes allés tous les quatre au théâtre à Lyon. On vous attendait au foyer. On vous a vu entrer dans le hall, vous avez monté le grand escalier, toi la portant. Elle avait les bras autour de ton cou, elle souriait. Et ce qui était beau, c'est qu'elle n'avait pas seulement l'air heureuse, mais fière, incroyablement fière. Et toi aussi, tu étais fière. Tout le monde vous regardait en s'écartant sur votre passage. C'était vraiment le chevalier qui portait la princesse. Dans le train qui me ramenait à Paris, je me suis demandé s'il existait une formule aussi simple et juste « Il aimait porter, il fallait qu'on la porte » pour définir ce qui nous unissait, Hélène et moi. Je n'ai pas trouvé, mais pensais que peut-être un jour, elle nous apparaîtrait. À mon retour de Rosiers, les seins d'Hélène avaient grossi et elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. J'aurais dû me réjouir, j'ai pris peur. La seule explication que je trouve à cette peur, c'est que je ne me sentais pas prêt. Trop d'entraves subsistaient, trop de nœuds pas tranchés. Pour être à nouveau père dans la seconde moitié de ma vie, il aurait fallu que je sois un fils à peu près tranquille, et je m'en croyais loin. Je me rends cette justice, malgré mon désarroi, j'ai pensé que mieux valait dire oui que non, et plus ou moins consciemment, à tâtons, travailler à changer. Mon projet n'était plus de saison. J'ai appelé Étienne et Patrice pour les avertir que je l'abandonnais, ajoutant que peut-être je m'y remettrais un jour, mais j'en doutais. Étienne a dit Tu verras bien. Sans transposition, je me suis mis à écrire sur moi-même, sur le désastre de mes amours précédentes, sur le fantôme qui hantait ma famille et à qui j'ai voulu donner une sépulture. La gestation de mon livre a duré le temps de la grossesse. C'est un euphémisme de dire que ces mois ont été difficiles. Mais j'en suis venu à bout peu de temps après la naissance de Jeanne. Et du jour au lendemain, le miracle que j'espérais sans y croire a eu lieu. Le renard qui me dévorait les entrailles est parti. J'étais libre. Un peu au hasard, sans savoir où j'allais, j'ai commencé au printemps dernier à rassembler mes souvenirs du Sri Lanka. De là, j'ai remis le nez dans mes notes sur Étienne, Patrice, Juliette et le droit de la consommation. J'ai repris ce livre 3 ans après en avoir formé le projet. Je l'achève 3 ans après l'avoir abandonné. Cette fois, j'ai résolu de le donner à lire avant de le publier à ceux qu'il concernait. Ils pouvaient me demander d'ajouter, de retirer ou de changer ce qu'ils voulaient, je le ferais. Étienne m'a dit « Il y a des trucs avec lesquels je ne suis absolument pas d'accord, mais je me garderai bien de te dire lesquels, de peur que tu y touches. J'aime le type qui porte mon nom dans ton livre. Je peux même te le dire, je suis assez fier. » Il ne m'a rien fait retirer, seulement demandé quelques ajouts afin que chacun reçoive son dû. Patrice, lui, craignait que j'accorde trop d'importance aux désaccords politiques qu'il avait pu avoir avec Juliette. Il revenait sans cesse là-dessus, argumentait, nuançait, corrigeait. Il ne voulait à aucun prix qu'on la croie, elle, si peu que ce soit, de droite. Et j'avais l'impression, qui me bouleversait, de l'entendre à travers mon livre poursuivre la discussion confiante et passionnée qui avait été la leur pendant leurs 13 années de vie commune. Après 2 ans de silence, j'ai repris contact avec Philippe, à qui j'ai envoyé le manuscrit en lui demandant de le lire et d'y préparer sa fille et son gendre. Il valait mieux, selon lui, que Delphine et Jérôme ne le lisent pas. Pas maintenant, en tout cas, et peut-être jamais. La vie m'a fait témoin de ces 2 malheurs, coup sur coup, et chargée, c'est du moins ainsi que je l'ai compris, d'en rendre compte. Elle me les a épargnés, je prie pour qu'elle continue. J'ai quelquefois entendu dire que le bonheur s'appréciait rétrospectivement. On pense, je ne m'en rendais pas compte, mais alors j'étais heureux. Cela ne vaut pas pour moi. J'ai longtemps été malheureux et très conscient de l'être. J'aime aujourd'hui ce qui est mon lot. Je n'y ai pas grand mérite tant il est aimable. Et ma philosophie tient tout entière dans le mot qu'aurait, le soir du sacre, murmuré Madame Laetitia, la mère de Napoléon. « Pour vous que ça dure. » Ah, et puis, je préfère ce qui me rapproche des autres hommes à ce qui m'en distingue. Cela aussi est nouveau. Nathalie, la femme d'Étienne, m'a raconté qu'à leur dernière visite en famille à Rosiers, Diane réclamait tout le temps que Juliette la prenne dans ses bras et que Juliette la remettait tout le temps dans ceux de Patrice. Elle n'avait plus qu'un mois à vivre et elle disait « Il ne faut pas qu'elle s'habitue, ça va trop lui manquer après. » Patrice raconte, lui, que ses premiers mots ont été « Où est maman ?» et que le premier film qu'elle a aimé, c'est Bambi. Elle a revu 100 fois la scène où Bambi comprend que sa maman ne se relèvera pas. C'est l'image la plus juste qu'elle se fait de sa propre histoire. Patrice dit aussi que, des 3 filles, c'est elle qui, aujourd'hui, parle le plus de Juliette et la seule qui lui demande, très souvent, à regarder le diaporama qu'il a fabriqué avec toutes les photos de famille. Ils prennent place tous les 2 devant l'ordinateur qu'il met en marche. Les images défilent. Elle pleure. Il pleure aussi. Il y a de la douceur à pleurer ainsi tous les 2, le père et sa toute petite fille. Mais il ne peut pas et ne pourra jamais plus lui dire ce que les pères voudraient dire à leurs enfants, toujours. Ce n'est pas grave. Et moi qui suis loin d'eux, moi qui pour le moment, et en sachant combien c'est fragile, suis heureux, j'aimerais penser ce qui peut être pensé tellement peu. Et c'est pour cela que ce livre est pour Diane et ses sœurs. C'était « D'autres vies que la mienne » d'Emmanuel Carrère. Adaptation de François Cuel. Avec Vincent Schmitt, le narrateur, Frédéric Pierrot, Étienne, Mathieu Létuvé,